Section 34 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 34. L'adoré par René Mézeroy, octobre 1885. Les feuilles tombent, jonchent les allées et l'étang. C'est dans l'air cinglé par la pluie, comme une incessante fuite de papillons, roux qui tourbillonnent, s'accrochent aux branches, se posent, repartent, s'amoncellent contre les socles des statues, les bancs et les arbres. Le ciel gris se couvre de nuées blanchâtres que chassent des rafales de vent. Des bandes d'oiseaux voyageurs passe avec de rauques clameurs de détresse. Il n'y a plus une rose. Malgré les feux de bûche qui flambent dans toutes les cheminées du château, les boiseries, les tentures, les meubles exhalent on ne sait quelle odeur rance qui s'imprègne au linge et aux vêtements. Marthe s'ennuie, je le vois bien. Cette mélancolie des choses l'attriste, l'énerve, comme le déroulement d'un cortège funèbre qu'on entrevoit à travers les rideaux. Nous ne nous promenons plus même dans le parc. Elle se cloître dans sa chambre. Elle efface les jours un à un sur le calendrier. Elle a des réflexions désenchantées qui me navrent et m'inquiètent. « Si au moins, répète-t-elle, nous avions des voisins amusants, si je n'avais pas craint de me heurter à votre caractère ombrageux en lançant quelques invitations, on rirait, on organiserait des parties, des chasses, on jouerait la comédie, comme chez les Garde-Val. Est-ce qu'on peut vivre autrement à la campagne ? » Et elle songe aux intrigues qui se nouent et s'en mêlent de l'une à l'autre, aux répétitions qui n'en finissent plus, aux jolies toilettes qui froufroute dans les corridors, au rendez-vous que l'on épie, que l'on surprend comme à cache-cache et qui servent de prétexte à de gouailleuses confidences derrière les éventails, à cette joie de s'amuser avec moins de camp, de pruderie, d'inventer des extravagances, de faire le soir un tour de Boston. Elle se détache de moi, elle est lasse de vivre dans ce désert. Elle m'a dit hier, en se dégageant de mes bras qui l'attiraient, « Vous m'aimez trop, cela me fatigue à la longue. » Fin de la section 34, enregistrée par Margot.